C'est dans une gouttière, un matou, dans une mansarde, n'importe où, à Montparnasse, que je suis née un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chances. Mes pères et mères, des chars comme tout, qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. Alors n'est pas dans notre garnot, laissé souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. Alors joue tous les autres marmots, à l'école vont se bourrer le cerveau de belles grammaires. Avec un tas de mauvais loupiaux, dans les coins on allait jouer au père et la mère. Sûrement que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les belles manières. À 15 ans, droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos, l'œil effronté comme un moineau. Celui qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu affaire de siège. Il n'a eu qu'à m'ouvrir les bras, mais mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui, pur comme la neige. Nous éveillant sous les pécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme les moineaux. Il m'a plaqué, as-tu lu tort? Je me suis consolé d'un sort qui est le nôtre. Avec un petit gars dessalé qui lui, pour ne pas travailler, vendit à d'autres. On s'accoutume à ne plus voir la poussière grise du trottoir où l'on se vautre. Alors sur le pavé parigot, on cherche son pain dans les ruisseaux, l'œil aux aguets comme les moineaux. L'hiver viendra et mon seul bien, ce pauvre corps qui, je le sens bien, déjà se lasse, tombera sur le pavé brutal. Je penserai sur un lit d'hôpital un soir d'angoisse. Pas plus mauvaise que beaucoup, j'aurais préféré malgré tout, dans ma détresse, un homme qui m'eût aimé d'amour, pour avec lui finir mes jours.